À l'aube du petit jour, on oublie presque les arrière-cours où les gens échangent leurs ailes pour une vie plus belle. Une poussière blanche venue du ciel où les anges à tête blonde aux yeux de miel. Imprudents et rêveurs se brûleront les ailes et perdront de la vie tout le piment du sel. C'est le poison des dieux. Dans un voyage près des cieux, leur seul moyen de rêver, c'est le poison des dieux. Une fois le jour levé, ils apparaissent tous pressés en costume noir de futurs enterrés, à courir dans les rues en espérant gagner, atteindre le premier la ligne d'arrivée. Être le vainqueur pour le seul prix à la clé. Gagner plus que son voisin privé d'électricité. Mais lui, il a sa famille et toute son intégrité. C'est le poison des dieux. Dans un voyage près des cieux, leur seul moyen de rêver, c'est le poison des dieux. Le soleil s'endort peu à peu. Il parle de tout sauf d'eux. Savez-vous ce qu'un tel a fait? Moi non plus, mais c'est pas moi de juger. C'est des plaisirs qu'on oublie parfois. Ça aide à se sentir mieux avec soi. Mais les ailes se consument un petit peu. Tentés par le mal et le poison des dieux. Le poison des dieux. Qui les aide à s'envoler dans un voyage près des cieux, leur seul moyen de rêver, c'est le poison des dieux. s'effacer. Et j'en finis de rêver, d'oublier qu'ils étaient. Ils rentrent chez eux abandonnés. Ils retrouvent leur foyer glacé. Ils ont contribué à vider parce qu'ils avaient oublié chez eux et se sont laissés tenter par le poison des dieux. Voyage des cieux, leur seul moyen.